les têtes, un château fort. Et je suis mauvais messager. J'aurais tant aimé m'envoler dans ses longs cheveux bruns tressés. Jamais elle ne s'est approchée. Je reste malgré tout sans un regret. Malgré tout, sans un regret.